Palhaços líderes brotaram macabros. Caetano Veloso, no e nos seus vastos la légende de la musique populaire brésilienne est de retour. Morena bella, Caetano Veloso, Meu Coco, son nouvel album. Envisager le management comme un problème philosophique suscite d'emblée l'étonnement, pour ne pas dire le soupçon. Que viendrait faire une notion propre à l'entreprise dans le monde des idées? Quelle portée intellectuelle pourrait contenir ce mot qui ne cache pas ses intentions utilitaristes? Quelle profondeur trouver à un ensemble de techniques de direction, d'organisation et de gestion qui tentent de se sauver la face en usant d'une langue faite de bienveillance? Pourquoi faudrait-il y voir quelque chose de philosophique? Eh bien, peut-être parce que le management a transformé nos manières de travailler, de parler, de vivre au quotidien. En témoigne d'ailleurs le fait qu'on ne dise plus « je m'en occupe » mais « je gère ». Peut-être aussi parce que définir le management permet de mieux le critiquer, d'en sortir ou au contraire de le sauver. Mais tout simplement aussi parce que cette idée de faire du management un problème philosophique suscite d'emblée de l'étonnement, voire du soupçon, et que cela suffit à en faire un problème philosophique. La France et le management. Pour réussir, je veux réunir, je veux fédérer, je veux associer, je veux rassembler toutes les énergies de tout le personnel. Et tu sais, le patron, c'est quelqu'un de bien, hein. Inventé par les Américains, le management représente un effort rationnel et efficace pour définir le gouvernement des entreprises. Alors d'abord, à la fin de l'année, je veux qu'on offre une voiture à chacun des membres du personnel. J'ai quand même le droit de faire des cadeaux, non? Bon, alors augmenter les cadences de production des usines de voitures, lancer, s'il le faut, des OPA sur les marques concurrentes et surtout, ne me dites pas que c'est une mauvaise idée. Mais au contraire, c'est excellent. Ça va faire un bon terrible à notre service de pièces détachées, ça va nous faire vendre de l'essence. Comme nous contrôlons la plupart des compagnies d'assurance... Enfin, c'est pas croyable, ça. Alors, je peux pas avoir la plus petite idée sociale, je peux pas faire le moindre geste envers les travailleurs sans qu'immédiatement, ça me rapporte de l'argent. Je suis vraiment condamné à avoir des sous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez en vous la dynamique de la richesse. Vous êtes pas fait pour être pauvre, là. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Et donc, si on ventile les ratios trimestriels indexés en année 8, les dispositions des normes GJ 238 se corrèlent d'elles-mêmes par le truchement des coefficients. Eh bien, à présent, allons manger à la cantine. Super. Ah, tout à fait. Bonjour Ghislain Deslandes. Bonjour Géraldine et bonjour à tous et à toutes. Vous êtes docteur en philosophie, professeur à l'ESCP Business School et ancien directeur de programme au Collège International de Philosophie. On vous doit de nombreux ouvrages sur le management, dont les plus récents sont « À propos du management et d'un problème plus général » aux éditions PUF, « Critique de la condition managériale » aussi aux éditions PUF. Alors j'ai commencé avec vous... cette émission, en posant le problème du management comme un problème philosophique, il faut dire aussi en fait qu'on devait poser ce problème dès le début de la semaine, mais que finalement, en raison de la grève, nous finissons avec vous. Donc, nous allons finir en remontant aux sources et en se posant cette question. Comment on peut être à la fois philosophe et parler du management? Comment peut-on être à la fois manager et faire un travail philosophique? Bon, d'abord, merci Géraldine pour votre invitation. Je me réjouis de conclure en commençant cette semaine. Je crois qu'Husserl dit quelque part que les philosophes sont des commençants perpétuels. Donc il faut se préparer à commencer à tout moment. Et après tout, pourquoi pas commencer la semaine un vendredi plutôt qu'un lundi? C'est pas forcément une mauvaise... Ouais, moi je suis assez pour aussi qu'on change ce genre d'habitude. Exactement. Et donc faire du commencement, non pas un commandement, mais une finalité en soi. Alors, je dirais peut-être... c'est vrai que ma position est pas forcément facile à identifier. Je dirais une première chose, en tant que professeur de gestion et en tant que chercheur en management, on va dire, la tentation est forte, en fait, dans l'industrie du management, c'est-à-dire les managers, les facultés de gestion et les livres de management, de tout faire sans philosophie, c'est-à-dire de laisser un peu les philosophes dans leur coin. En tout cas, ça a longtemps été le cas. Et de laisser, finalement, le management aux experts, c'est-à-dire à la fois aux disciplines intrinsèques de la gestion, c'est-à-dire le marketing, la stratégie, la finance, ou, je dirais, à la marge du savoir et du pouvoir, les disciplines extrinsèques, donc l'économie, le droit, et d'une certaine manière aussi la sociologie, la psychologie, mais pas vraiment la philosophie. Et je crois que ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer sur un certain nombre de points. D'abord, beaucoup de managers, par définition, s'interrogent sur le sens de l'action collective, s'interrogent sur le futur de la planète, ont des questions existentielles et métaphysiques. Et au fond, s'aperçoivent que la philosophie peut aider à revisiter, je dirais, la figure du management ordinaire. On le voit dans quantité d'initiatives, notamment au plan académique d'une société française de philosophie des sciences de gestion qui a été créée il y a quelques années. On avait, juste avant le premier confinement à l'ESCP, organisé la 7e session annuelle qui portait sur le thème management de la vérité et vérité du management, et qui regroupe en fait tous ceux, toutes celles et ceux qui s'intéressent à ces thématiques-là. Alors, pour ce qui me concerne, moi j'ai essayé effectivement, dans les trois ouvrages que vous avez cités, l'essai sur les données philosophiques du management, c'était l'idée de prendre 5 gros mots du management et d'en faire une analyse et managériale et philosophique. Par exemple, l'intuition avec Bergson et, pour ceux qui connaissent la gestion parmi nos auditeurs et nos auditrices, Henri Mintzberg. Ensuite, j'ai fait une critique qui consistait à prendre comme point d'appui non pas les images, les discours ou les chiffres pour parler des organisations, mais parler des corps. Donc j'ai pris comme point d'appui la philosophie de la phénoménologie de Michel Henry pour essayer de parler de l'affectivité, des problèmes éthiques et politiques dans les organisations. Et puis en fait, le dernier ouvrage que vous avez cité, donc à propos du management et d'un problème plus général, c'est le regroupement de chroniques que j'ai fait paraître sur une plateforme, une web TV qui s'appelle Xerficanal, dans laquelle j'exerce depuis quelques années, où l'idée est la suivante, c'est de prendre en fait les ouvrages qui sortent en philosophie, dont vous parlez ici sur les chemins, d'en faire une lecture critique sur 3-4 minutes en vidéo, à l'attention des managers, en essayant d'en faire quelque chose pour les managers. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement, de lire ces ouvrages. Donc ça, c'est le premier effort que j'ai essayé de faire. Et le deuxième, il est tout à fait différent, il est à mon sens un peu plus difficile, qui est d'essayer de montrer aux philosophes que le management est un problème philosophique en tant que tel, comme la santé, comme l'esthétique. Je pense que c'est peut-être le plus difficile, finalement, parce qu'on peut se demander si finalement le management n'a pas besoin de la philosophie aussi pour essayer de se sauver ou de se trouver une forme de légitimité, ce qui est tout de suite un geste un petit peu suspicieux. On se demande pourquoi le management a besoin d'une légitimité qui serait hors de lui-même. Oui, il y a cette question-là, les philosophes, le mot suspicion, j'entends que les philosophes se demandent si... snobisme, hein, d'ailleurs. Oui, ou simplement si la philosophie devient une sorte de caution pour le management, c'est-à-dire devient Non, je crois que la philosophie n'est jamais un partenaire commode, en réalité. C'est ça qui est intéressant, c'est que le management, grâce à la philosophie, transforme le manager, non pas comme un algorithme qui prend la bonne décision ou une sorte de marionnette, mais quelqu'un qui est agissant, pensant, qui réfléchit. Et c'est ça qui me paraît intéressant dans cet effort-là. Mais ça reste deux discours entremêlés l'un avec l'autre. Mais il n'est pas question, évidemment, de faire de la philosophie ou de l'éthique un outil de management. C'est pas du tout le projet. Et ce que j'ai donc essayé de faire, notamment dans le cadre du Collège international de philosophie, où se trouvent des écrivains, des artistes, des philosophes, etc., des universitaires, eh bien, c'est d'essayer, et on a essayé de proposer cela avec une dizaine de camarades philosophes, de faire un numéro spécial de la revue Rue Descartes, qui s'appelle Variations sur la question philosophique du management, où en fait 10 philosophes se saisissent du management comme question philosophique. Et on retrouve parmi ceux qui ont contribué des universitaires comme Emmanuel Picavet ou Thierry Ménissier, des écrivains comme Thierry Berlanda, d'anciens directeurs de programme comme Jean-Philippe Millet, collègues et camarades avec qui je travaille pendant des années, notamment Lucas Patrinieri, Molly Painter, que vous avez reçu mercredi, et quelques autres. Alors, peut-être pour donner un fléchissement ou une nuance en tout cas aux trois premières émissions de la semaine, je dirais que pour moi la question c'est pas de savoir si management c'est bien ou si c'est mal. La question c'est de faire une analyse au sens de Stigler, c'est-à-dire une analyse pharmacologique. Et, au sens de Bernard Stigler. Exactement. Et donc le management c'est un peu comme c'est à la fois un remède et un poison. C'est comme l'intelligence artificielle. À la fois, l'intelligence artificielle nous permet de calculer plus vite et mieux dans des domaines dans lesquels on en a besoin, comme la santé par exemple, et en même temps, ça réduit nos facultés de jugement. Et d'ailleurs, dans ce numéro de Rue Descartes, on a fait avec Lucas Paltrinieri justement une longue interview de Bernard Stigler, qui nous avait reçu à l'Institut de recherche et d'innovation qu'il avait créé pour ses propres travaux au centre Pompidou, et il nous avait accueillis les bras ouverts en disant « Bienvenue au club ». Mais réflexion faite, c'était par ironie, parce qu'en réalité, dans les pensées contemporaines à fort calibre, chez Alain Badiou, dont on parle d'ailleurs longuement dans l'entretien, ou chez Jean-Luc Marion, il est nulle part question de management. L'objet principal d'une organisation bien comprise doit être d'assurer à l'employeur et à chaque employé la prospérité maxima. Les mots « prospérité maxima » sont pris dans leur sens le plus large, pour signifier non seulement de gros dividendes pour la compagnie ou le patron, mais encore le développement intégral de chaque branche de l'affaire à un point tel que la prospérité soit permanente. De même, la prospérité maxima pour chaque employé ne consiste pas seulement dans un salaire plus élevé que celui des hommes de valeur égale. Elle signifie surtout le moyen pour chacun d'atteindre son rendement maximum, de telle sorte qu'il soit capable de faire le mieux possible le travail approprié à ses capacités naturelles et qu'il soit plus tard susceptible d'être choisi spécialement pour faire ce travail. Il semble évident que la prospérité maxima pour l'employeur et l'employé devrait être le but principal de l'organisation. Et cependant, dans tout le monde industriel, une grosse part de l'organisation des patrons et des ouvriers est faite plutôt pour la guerre que pour la paix, si bien que la plupart des uns et des autres sont probablement persuadés qu'il est impossible d'organiser leurs relations mutuelles en vue de la communauté des intérêts. Avec l'organisation scientifique, les intérêts véritables des deux parties sont les mêmes. La prospérité de l'employeur ne peut durer que si elle est accompagnée de celle de l'employé et inversement. Il est ainsi possible de donner à l'un et à l'autre ce qu'ils désirent, à l'ouvrier de gros salaires et au patron une main-d'œuvre bon marché. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. On en a parlé toute la semaine, mais on n'avait pas encore entendu un texte de lui, Taylor, le fondateur du taylorisme, Frederick Winslow Taylor. C'est un extrait de Principes d'organisation scientifique des usines, paru en 1912, ici interprété par Bernard Gabé. Alors effectivement, on a parlé de Taylor, on a parlé notamment des critiques qui lui sont adressées. Là, on entend véritablement sa définition du management, donc vraiment une définition, on va dire, scientifique, rationnelle, l'organisation qui permettrait vraiment de concilier les intérêts des deux parties. Est-ce que Taylor est le fondateur du management, selon vous, Ghislain Deslandes ? Alors, je vais vous répondre en plusieurs points et la réponse est négative, en l'occurrence. C'est bien, mais, pas de suspense. Non, peut-être un ou deux mots. D'abord, c'est vrai que c'est un texte assez terrible, mais assez représentatif, en fait, du taylorfordisme ou du fordo-taylorisme, qui explique peut-être aussi pourquoi les philosophes sont restés à l'écart un certain nombre d'années, de décades. Alors, l'idée ici, c'est quoi ? C'est l'idée d'aligner... idée un peu saugrenue, idée un peu folle, qui consisterait à aligner les désirs des parties sur l'idée de haut rendement. Et on a cru à une idée folle comme celle-là. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est l'idée que la recherche d'efficacité, bah, elle se prend elle se prend elle-même pour fin, en quelque sorte. C'est ça un peu l'idée du taylorisme. Alors on peut dire un mot, vous avez dit, c'est une vision scientifique. Alors c'est ce que lui veut promettre. Hein. Avec l'organisation scientifique. Ouais, l'organisation scientifique. Citer... Donc lui avance l'idée. Bon, mais en fait, si on observe un peu ses expériences, elles sont plutôt de l'ordre de la fiction. C'est pas un scientifique, hein, Taylor. C'est quelqu'un qui naît au milieu du 19e siècle, qui meurt, je crois, en 1915, à l'âge de 59 ans. Donc très peu de temps après que soient parus ses principes d'organisation scientifique des usines. Absolument. Et c'est quelqu'un qui est... C'est un bon ingénieur, peut-être, mais enfin, c'est certainement un Américain. Pas. C'est un Américain, c'est un Quaker, c'est important, il fait référence à la paix. Il y a cette idée d'harmonie universelle, en fait, dont il est en quête. Alors, c'est une œuvre qui est à prendre au sérieux pour les conséquences qui sont les siennes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous travaillez dans le bois, dans le charbon, dans la restauration rapide, dans l'automobile aujourd'hui, en fait, le taylorisme est encore bien vivant. Alors, essayons d'ajouter à la critique sur un point qui, à mon avis, est fondamental. C'est ce qui est erroné chez Taylor, c'est sa théorie de la motivation. C'est-à-dire que son idée, c'est que les hommes n'aiment pas travailler, que le subordonné n'est intéressé que par, est motivé que par sa rémunération, qu'il faut donc assurer le contrôle managérial de la production. Ça plaisait beaucoup d'ailleurs à Lénine, qui considérait que la confiance c'est bien, mais le contrôle c'est mieux. Il avait une fascination pour les travaux de Taylor. Et donc Taylor veut empêcher qui que ce soit de flâner. Donc il y a une conception, je dirais, extrêmement restrictive de l'homme dans son cadre de travail. Donc si je vous suis bien, Ghislain Deslandes, erreur de conception anthropologique et erreur aussi de finalité du but du travail. C'est tout à fait ça. Et à mon sens, c'est son analyse du désir qui est mauvaise. C'est-à-dire que, d'abord, il considère... En fait, ce qu'on a compris quelques années plus tard, c'est que les gens sont heureux de travailler efficacement dans la mesure, ou dans la stricte mesure, en quelque sorte, où on fait appel à leur intelligence. C'est-à-dire, lorsqu'on ne parle que de rendement, on assiste à une mauvaise prophétie autoréalisatrice. En réalité, les gens se comportent mal, comme dans Modern Times. Vous savez, il y a la première image, c'est des bestiaux qui sortent d'une étable, et puis ensuite, on a les ouvriers qui sortent de la bouche de métro. L'idée, en réalité, c'est que si on ne parle que de perspectives économiques, les personnes ont tendance à en rabattre sur leur niveau d'aspiration et se comportent mal. C'est ça ce que Chaplin nous dit dans son film. La deuxième chose, c'est qu'il calque son modèle sur les sciences de la nature. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'affectivité, l'éthique, la politique, ça l'intéresse pas. Ça passe à la trappe. Et puis le troisième élément, c'est qu'il ne comprend pas non plus que le problème du management, c'est donner du sens au travail, qui n'en a pas. Personne ne travaille pour le travail. Hein. Le sens du travail, c'est autre chose que le travail. Alors pourquoi on travaille? C'est la première question que je pose à mes étudiants en cours, dans le premier cours de l'année. Et en fait, vous avez une pluralité de motivations et de désirs. Les gens travaillent parce qu'ils aspirent à progresser, parce qu'ils veulent être utiles à la société, parce qu'ils veulent prendre le pouvoir, parce qu'ils veulent évoluer, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, bien entendu. Ça revient, ça doit revenir quand même assez souvent. Évidemment, ce serait naïf de penser... Oui, parce que ce serait naïf de penser que les gens travaillent pour l'estime qu'ils ont pour vous. Les gens travaillent parce qu'ils viennent gagner leur vie, bien entendu. C'est un élément qu'il faut... C'est aussi une conception d'intérêt. Là, on retrouve cette idée d'intérêt. On est bien d'accord. Mais chez Taylor, il y a l'idée qu'il y en a, qu'un seul, c'est celui-là. En fait, il y en a beaucoup d'autres. Il y a une pluralité de motivations. Et au final, qu'est-ce qu'on recherche dans le travail? Bah, comme dit Pascal quelque part, ceux qui vont à la guerre et ceux qui n'y vont pas recherchent le bonheur. Au fond, on recherche quand même l'idée du bonheur derrière nos activités professionnelles. Donc chez Taylor, c'est un ingénieur, donc c'est une sorte de managérialisme ingénieuriste, si vous voulez, mais c'est pas vraiment le management, parce que le management nous est dit autrement, bien plus tôt, et notamment par les Grecs. Alors justement, depuis le début de la semaine, moi je dis management. Les auditeurs et auditrices n'aiment pas trop ça, parce qu'effectivement ça sonne anglo-saxon. Effectivement, je dis comme ça parce que c'est l'usage de dire management, mais vous-même vous dites management, ce qui me laisse penser que le management n'a pas forcément une origine anglo-saxonne, mais finalement grecque. Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, je suis tombé un peu là-dessus par hasard. Je suis enseignant-chercheur, donc de temps en temps, je m'enferme à la BNF en essayant de couper le portable et de réfléchir à ce que je vais écrire dans mon prochain article. Et je suis tombé un peu par hasard sur, complètement par hasard en fait, sur une traduction par la Boétie du texte de Xénophon, que l'on connaît tous, ceux qui ont étudié un petit peu la période, qu'on connaît tous sous le titre de l'économique. Bon, et comment la Boétie, avec le soutien de Montaigne d'ailleurs, parce que la Boétie meurt tôt et la traduction est publiée après sa mort, il appelle ça la ménagerie. Juste, c'est tout à fait étonnant qu'un livre sur l'économie puisse s'appeler ou s'intituler en français, en ancien français, La Ménagerie. Et je suis allé voir ce texte que je connaissais pas, qui a eu une longue histoire et une influence importante en Allemagne, etc. Parce qu'en fait, le premier texte qui parle d'économie, c'est pas Thucydide, c'est pas Hérodote, c'est pas les poètes lyriques, c'est Xénophon, un des interprètes de Socrate qui en parle le premier, qui essaie de systématiser sous la forme d'un traité d'une quarantaine de pages ce qu'il en est de l'économie. Et en fait, ça ne parle que de management. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un texte que j'ai lu, que j'ai découvert un peu par hasard, mais qui parle de négociation commerciale, qui parle de coordination des équipes, qui essaie, au fond, de mieux travailler pour s'affranchir du travail, qui essaie, en quelque sorte, de se dire qu'en travaillant mieux, c'est la condition du loisir, c'est la condition de la paideia, c'est la condition de la philosophie, d'une certaine manière. Moi, il faut revenir à l'étymologie, d'ailleurs, l'économie. Voilà, et en fait, ce mot ménagerie, qui, moi, m'a surpris quand je l'ai découvert, il est utilisé tout au long du XVe siècle, du XVIe siècle, du XVIIe siècle, en ancien français, sous le titre de ménagement, de mesnagement. En italien, c'est managiare. Alors, Luca Patrignani n'est pas là ce matin, il pourrait nous le confirmer peut-être, mais managiare, ça veut dire piloter, ça veut dire conduire. Donc, le management, c'est bien le pilotage, en quelque sorte, étymologiquement parlant, en tout cas, le pilotage des. Et d'ailleurs, des on entend ce terme de main, de manus. Donc là, ouais. on retourne à l'étymologie. Et quant au terme d'économie, l'étymologie, c'est quand même oeconomia. Donc c'est vraiment la gestion, en fait, de la maison. Des affaires privées, voilà, la maisonnée. Des affaires privées. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'effectivement, de fait, une identification entre l'économie. Et, pardon pour les auditeurs et auditrices, je continue à dire management parce que je vais le dire comme ça, sinon je vais y penser tout le temps, qu'il y a une identification entre l'économie et le management, et on voit moins ici la dimension philosophique. On pourrait dire que le management, c'est juste une gestion d'intérêt. Oui. Alors, c'est là où Socrate nous est utile, puisqu'en fait, dans ses écrits xénophontiques, on trouve la figure de Socrate, qui est évidemment centrale, qui discute avec deux individus, qui s'appellent Critobule et Iscomaque. Et en fait, de quoi parle-t-il ? Il parle de management. C'est quand même intéressant d'aller y faire un tour. Alors, qu'est-ce que nous dit Socrate ? La première chose qu'il nous dit, c'est que le management... Alors, à un moment donné, Critobule lui pose la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon ménager, mesnager ? Et il répond, eh bien, Critobule, si je te fais voir tout d'abord des gens qui construisent à grands frais des maisons incommodes, puis d'autres qui, en dépensant beaucoup moins, en construisent qui sont pourvus de tout le confort désirable, ne crois-tu pas qu'en cela, je te montrerai une des parties du management ? Autrement dit, pour Socrate, le management, c'est d'abord savoir tirer parti des biens que l'on possède. Au point d'ailleurs qu'il explique très bien que les biens qu'on possède et qui ne servent à rien, il vaut mieux s'en séparer. Donc ce qu'on comprend dans un premier temps déjà, c'est que le management, c'est une pensée qui est effectivement du côté de la métisse, qui est du côté de la ruse, qui est une pensée calculante, qui est une pensée opportuniste. Mais on va voir que tout ça va être un peu minoré dans la suite du dialogue. Et le deuxième point qui me paraît aussi intéressant, c'est que, et ça revient sur l'élément qu'on citait juste avant, c'est que Socrate invente les stock options, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, à un moment donné, il explique que pour être certain que les gens travaillent dans l'intérêt de l'organisation, il faut les intéresser aux résultats de l'organisation. C'est le principe des stock options. Vous donnez des actions à vos salariés pour qu'ils travaillent dans les intérêts. Pour qu'ils se sentent concernés, en fait, par l'avenir de l'entreprise. Par l'avenir de l'entreprise. Bon. Mais Socrate pose un point de vue tout à fait original dans la théorie économique dominante. Géraldine, vous et moi, nous sommes des homo economicus. Nous sommes rangés sous ce label-là. Et Socrate dit, oui, mais que fait-on des gens qui sont, dit-il, modérément ou médiocrement sensibles à l'appât du gain ? Ça, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire, Socrate dit, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont médiocrement sensibles à l'appât du gain, c'est-à-dire qui préfèrent la louange, dit-il, l'estime, et qui s'abstiennent de profits honteux. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Et en fait, la théorie économique n'y a pas vraiment réfléchi. Tous ces gens qui, par exemple, s'intéressent au travail pour être utiles à la société, comme je disais tout à l'heure, ou avoir être reconnus par leur père, par exemple, qui sont d'autres motivations qui n'ont rien à voir avec l'intérêt strictement économique. Et puis il y a un troisième point qui me paraît intéressant dans ce texte, qui a évidemment un peu vieilli, puisque c'est 5 siècles avant Jésus-Christ, donc tout ça nous ramène à l'agriculture en réalité. Et le troisième élément qui est intéressant, c'est que chez Xénophon, le bon ménager est un kalos kagatos, c'est-à-dire beau et bon, c'est un gentleman, c'est-à-dire quelqu'un qui se pose la question de la vertu. Et ça va être travaillé à nouveau par un pseudo-Aristote, dans un texte qui s'appelle l'économique également, et qui montre effectivement qu'il y a une distinction à faire entre la crématistique, c'est-à-dire en fait l'accumulation des richesses, ce qu'on appellera un art de la finance et du marketing, si vous voulez, aujourd'hui. Crémata en grec, c'est l'argent. Et puis ce qui est proprement économique, c'est-à-dire le fait de l'homme vertueux qui est celui qui se gère en permanence, qui exerce une souveraineté sur lui-même, une sorte de phronimos en tout cas, qui est guidé par un principe d'excellence morale. Et quelle est l'idée qui est derrière tout ça ? C'est l'idée que, et qui faisait peur aux Grecs, c'est l'idée de l'hubris, c'est l'idée de la démesure, c'est-à-dire le fait d'avoir la pléonexia, le fait d'avoir plus que tous en toute chose. C'est-à-dire une sorte, la crématistique, elle est toujours sans finalité. Et donc l'idée, c'est de ramener de la finalité dans tout ça, et donc de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'éthique en réalité. Donc si je vous suis bien, Ghislain Deslandes, finalement il y a un énorme malentendu autour du management qui n'a rien à voir en fait avec une science telle que l'a prétendu Taylor et qui n'a rien à voir avec l'accumulation de richesses et la rentabilité, mais qui est au contraire une vertu, une manière d'apprendre à bien se conduire, soi-même et avec les autres. C'est l'idée des Grecs, mais cette idée, elle va être contestée. Il y a un livre inouï de Marie-Josée Monzin qui s'appelle « Image, icône, économie » et qui raconte en fait que ce mot « oikonomia », il est très polysémique et tout au long de l'histoire en fait occidentale, notamment chez les pères de l'Église, vous allez avoir différentes significations du terme. Là, on en a donné deux, Taylor et Xénophon, mais en réalité, ce terme, il veut dire, nous dit-elle, accommodement, incarnation, administration, mensonge, ruse, charge. Ça, j'aime assez ce mot-là, c'est-à-dire que le manager, celui qui se charge de quelque chose, en anglais, on dit to take in charge, hein, ça veut dire prendre une responsabilité. Donc, en réalité, le sens du mot change. Au XVIe siècle, manager, ça veut dire prendre soin. Hein, manager quoi que ce soit, sa vie, son champ, ça veut dire prendre soin de soi-même et des autres. Aujourd'hui, ça veut plutôt dire optimisation, rentabilisation, etc. Mais en réalité, le terme bouge, ce qui veut dire que ce mot management, demain, voudra sans doute dire encore autre chose. D'ailleurs, optimisation, en fait, on en a parlé mercredi, mais effectivement, en fait, on a du mal en fait, à savoir ce à quoi ça renvoie. C'est aussi ça, la suspicion qu'on a à l'égard du management, et qui fait d'ailleurs qu'on dit management en pensant que c'est une notion anglo-saxonne, parce que c'est une manière aussi de dire on ne sait pas ce que ça recouvre. On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que le management ? En fait, on a des réponses. Est-ce qu'il y a une essence, d'ailleurs, du management ? Vous pourriez nous en donner une, Gislain de Vannes ? Il y a des définitions dans tous les sens. Hein. Vous avez la définition du dictionnaire qui nous dit, en gros, que le management, c'est un ensemble de techniques de gestion. Vous avez beaucoup d'ouvrages américains qui vous disent que c'est un système auto-apprenant sur lui-même. Vous avez, dans le nouvel esprit du capitalisme, notamment Chiappello et son co-auteur sociologue, dont le nom va me revenir, prétend que le management, c'est une sorte de discours qui vient animer en réalité tous les départements de l'entreprise. Bref, vous avez les cinq sens du management, c'est-à-dire comme un ensemble de techniques, comme une science, puisque il existe en France un doctorat en sciences de gestion, une HDR en sciences de gestion, donc vous avez des collègues qui produisent une documentation scientifique dans des revues spécialisées. C'est aussi une pratique, c'est une praxéologie. Il n'y aurait pas de science du management s'il n'y avait pas de pratique du management, et la pratique du management, évidemment, elle est très importante. Manager une entreprise de radio nationale, un hôpital ou une école, c'est évidemment pas du tout la même problématique. Mais c'est aussi une éthique, c'est-à-dire une réflexion en tout cas sur les conflits de valeurs qui peuvent s'opérer dans une organisation, savoir si on opte pour les mérites, pour les besoins ou pour les talents. Et c'est aussi bien sûr un rapport politique entre les êtres, puisque management ça veut dire hiérarchie, ça veut dire N+1, ça veut dire chef. Et bien justement, on va entendre tout de suite un texte de Pascal qui permet de s'intéresser à cette dimension des relations entre les êtres humains. Pour entrer dans la véritable connaissance de votre condition, considérez-la dans cette image. Un homme fut jeté par la tempête dans une île inconnue, dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi qui s'était perdu. Et comme il avait, par hasard, beaucoup de ressemblances de corps et de visage avec ce roi, il fut pris pour lui et reconnu en cette qualité par tout ce peuple. D'abord, il ne savait quel parti prendre. Mais il se résolut, enfin, de se prêter à sa bonne fortune. Il reçut donc tous les respects qu'on voulut lui rendre, et il se laissa traiter de roi. Mais comme il ne pouvait oublier sa condition naturelle, il pensait, en même temps qu'il recevait ses respects, qu'il n'était pas le roi que ce peuple cherchait, et que ce royaume ne lui appartenait pas. Ainsi, il avait une double pensée, l'une par laquelle il agissait en roi, l'autre par laquelle il reconnaissait son état véritable, et que ce n'était pas le hasard qui l'avait mis en la place où il était. Il cachait cette dernière pensée et il découvrait l'autre. C'était par la première qu'il traitait avec le peuple et par la dernière qu'il traitait avec soi-même. Ne vous imaginez pas que ce soit par un moindre hasard que vous possédez les richesses dont vous vous trouvez maître que celui par lequel cet homme se trouvait roi. Vous n'y avez aucun droit de vous-même et par votre nature, non plus que lui. C'était un extrait des trois discours sur la condition des grands, un texte de Pascal de 1670, interprété ici par Bernard Gabé. C'était le premier discours. Un des gros mots du management Ghislain des Landes, c'est le leadership. Horrible leadership. Et effectivement, ce texte de Pascal nous permet de poser la question, en fait, de quel est le leader dans le management. Qui est ce chef? Quelle est sa nature? Est-ce que c'est un chef politique, hein, comme on l'a entendu dans le roi? Est-ce que c'est un chef qui a aussi une sorte de réflexivité sur lui, comme on l'a aussi entendu dans ce texte de Pascal? Est-ce que c'est comme un père de famille, parce qu'on parle aussi des chefs un petit peu paternalistes? Est-ce que c'est un copain, comme dans les startups? Est-ce que c'est mon boss? Voilà, qui est ce chef? Est-ce que c'est un brave type? Est-ce que c'est un brave type aussi, ou un pauvre type d'ailleurs? Ghislain Deslandes, dites-nous tout. Alors, bon, d'abord, merci pour de mettre ce texte. C'est cruel pour Taylor, hein, de lire Pascal quelques minutes plus tard. C'est un texte merveilleux, hein, les trois discours sur la condition des grands, là, c'est le début. Alors, c'est pas, je crois, un texte qui a été écrit par Pascal, c'est un texte qui a été écrit par Pierre Nicole à l'issue de conversations qu'il a eues avec Pascal, et qui était un texte auquel, nous dit Nicole, Pascal attachait la plus grande importance, parce que c'est un texte qui était destiné au jeune duc de Chevreuse, d'ailleurs, qui devait devenir le châtelain local dans la vallée de Chevreuse et dans le sud de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte et on va revenir sur la question du leadership. Bah, c'est que Pascal dit quelque part que les plus grands malheurs du monde viennent du fait que les grands, ceux qu'il appelle les grands, c'est-à-dire ceux qui ont un pouvoir que les autres n'ont pas, se prennent pour des rois, hein, et se prennent pour des empereurs, alors qu'ils ne sont que des hommes. Et donc cette double pensée, c'est finalement pour Pascal le fait de rappeler qu'un roi doit se souvenir qu'il n'est qu'un homme, précisément. Bon. Et le deuxième élément qui me paraît tout à fait intéressant dans ce texte, c'est qu'en fait, il donne une définition, à mon sens, de la philosophie. C'est-à-dire que est-ce que la philosophie revient à marcher avec assurance en cette vie? Est-ce que la philosophie, ça revient à créer des concepts? Est-ce que la philosophie, ça revient, comme disait Nietzsche, à lutter ou à faire du tort à la bêtise? Pascal a une autre définition. Pascal dit que le rôle de la philosophie, c'est tendre un miroir au puissant. Il prenait ce texte très très au sérieux dans son projet philosophique même. Et il y a cette pensée que vous connaissez certainement, ou vos auditeurs connaissent certainement, sur lorsqu'il évoque Platon et Aristote, en disant on imagine Platon et Aristote comme des gens avec de grandes robes de pédants, alors que ce sont en fait des gens simples, riant avec leurs amis, et qui écrivent des livres compliqués pour se divertir, en réalité, mais que le seul sens vraiment sérieux de leur activité, c'est de conseiller les grands sur leur action. Bon. Alors les grands, on appelle ça aujourd'hui le leadership, c'est le mot qu'on a... Là, c'est très clairement anglo-saxon. C'est un mot, je crois, à vérifier, mais je crois que c'est un mot qui figure dans la langue française, qui a été accepté par l'Académie française comme un mot francisé. Mais c'est pas comme management. Mais c'est pas comme management. On est bien d'accord. Mmh. Alors qu'est-ce que nous disent, laissons la philosophie un instant de côté, qu'est-ce que nous disent les leadership studies? Ça existe. Ça existe. Oui, vous avez des revues spécialisées dans ce domaine-là. Alors, c'est une théorie implicite des organisations. C'est l'idée en fait de dire le management, ça nous intéresse pas beaucoup, les structures, les contrats, etc. Ce qui compte, c'est la personnalité du dirigeant, celui qui est à même de percevoir le but d'une organisation, de connaître sa raison d'être. C'est celui qui a du charisme, de l'autorité, de la vision, qui possède l'art du commandement. C'est quelqu'un qui, prétendument en tout cas, exprime ce que chacun veut sans savoir le dire. Quelqu'un qui est autonome au sens kantien, c'est-à-dire qui, au fond, se donne à lui-même ses propres lois. Bon, c'est ce que nous dit la théorie du leadership. Alors, le problème, c'est que si on réduit, et je crois que Luca Patrinieri en a dit un mot jeudi, c'est-à-dire que le leadership, ce serait une sorte d'amoncellement de qualités humaines exceptionnelles. Mais ça marche pas. C'est-à-dire qu'en réalité, alors il faudrait que les leaders soient des super leaders. Mais on a un cas intéressant en France. On a eu un super président qui s'est présenté comme ça pendant 5 ans, qui à la fin des 5 ans n'a pas été réélu et qui a été en fait battu et combattu par quelqu'un qui s'est présenté lui non pas comme le primus inter pares, mais comme un président normal, comme quelqu'un qui prétend justement être dans l'ultra normalité ou dans le plus moyen d'entre nous en quelque sorte, et qui a été élu. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez deux qualités extraordinairement opposées l'une à l'autre, et dans les deux cas, ça marche. Et souvent, les leadership studies sont bloqués là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que le leadership, c'est féminin ou masculin? Est-ce que c'est héroïque ou anti-héroïque? Est-ce que c'est essentialiste, comme vous avez dit, ou non-essentialiste? Est-ce que c'est transactionnel ou transformationnel? C'est-à-dire, est-ce que le leadership, c'est quelqu'un qui, passe un contrat avec vous, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une vision du monde différente avec nouvelles valeurs et que vous rejoignez? tout cela n'est pas très clair. Et il y a une notion qui permet de bien voir ça, c'est la notion de blended leadership qui a été proposée par un chercheur en gestion il y a quelques années qui s'appelle Collinson et qui montre qu'en fait que quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent comme chef, ils répondent tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on veut quelqu'un qui soit à la fois un peu charismatique mais qui en même temps soit proche de nous, avec qui on puisse aller boire un pot à la cafétéria. On veut quelqu'un qui à la fois délègue et qui en même temps dirige, qui soit proche de nous mais qui soit en même temps un peu distant. Oui, donc c'est vraiment la figure impossible presque. C'est la figure impossible. C'est quoi exactement. Blended, vous avez dit? Blended leadership. Ça veut dire quoi, blended? Blended, ça veut dire mixte. Ah oui, mixte. D'accord. Oui, donc c'est vraiment la figure impossible. Donc en fait, c'est pas une bonne manière d'aborder le leader que de le penser en termes de qualité. Il faut vraiment se demander en fait à quoi il sert, plutôt quelle est sa fonction. En fait, et là, on est au bout de ce qu'ont à nous dire les leadership studies. C'est là qu'il faut revenir justement à la philosophie. Et là, pour le coup, le leadership, c'est un vrai sujet de philo. Vous avez chez Machiavel, chez Pascal, on vient de le voir, mais chez Balthazar Gracian, et même d'un certain point de vue chez Kant et chez Kojève, et plus récemment chez Jean-Claude Monod, par exemple, qui a fait un très beau livre sur les politiques du charisme, qui d'une certaine manière renouvelle un petit peu la pensée sur ce terrain-là. Et plus récemment, il y a un philosophe qui s'appelle Thierry Ménissier, qui est professeur à l'université de Grenoble, oui, qui est spécialiste de Machiavel, et qui a écrit un très beau livre l'année dernière. Qui s'appelle Innovation au pluriel et qui montre que il n'y a pas vraiment de phénomène d'innovation sans phénomène de leadership. C'est-à-dire que le leader, c'est celui qui a une sorte d'énergie particulière, on ne sait pas trop dire laquelle, mais qui en tout cas assume une responsabilité, nous dit-il, de situation de radicale incertitude au-delà de la possibilité de calculer le coût rapport-bénéfice. C'est-à-dire que quand vous êtes le leader, vous projetez le monde dans un futur auquel peu de gens croient. Et donc, il faut assumer cette responsabilité-là. Donc, je crois qu'il y a énormément d'auteurs à lire sur ce terrain-là. Et vous, quelle serait votre définition à vous, justement? Alors, moi, qu'est-ce qui pourrait caractériser le leader, selon vous? À mon sens, quatre choses, et c'est Pascal qui va nous éclairer sur ce terrain-là. Le leadership, c'est à la fois une ontologie naturelle ou naturaliste, on va dire, une ontologie relationnelle, c'est aussi une ontologie du vide. Pascal dit d'abord que le leader, c'est celui qui... Alors, Pascal est physicien, comme vous savez, il a cette phrase importante qui est de dire que, au fond, il est nécessaire que tout ce qui est plus fort soit suivi. Autrement dit, le chef, c'est le corps singulier dans le temps et dans l'espace, c'est le corps éclatant du monarque. Mais au fond, chez Pascal, c'est d'abord un corps de cygne, c'est un corps spectacle, c'est quelqu'un qui se met en scène. C'est quelqu'un qui se met en scène et qui, au fond, ne déconsidère pas le jeu des apparences, contrairement à Platon, par exemple. C'est-à-dire que le leader, c'est celui qui montre sa force. C'est celui qui a recours aux cordes de l'imagination pour faire admettre aux autres qu'il est plus fort qu'eux. Il y a une pensée qui est « il a quatre laquais », donc il a plus de laquais que les autres. Bon, premier élément. Deuxième élément, c'est que, et Pascal, de ce point de vue-là, nous serait rejoint par quelqu'un comme Zizek, par exemple, qui parle de corps sublime, c'est-à-dire que le leader a besoin aussi des followers. Le terme a été employé en début de semaine. Les suiveurs, ceux qui sont irradiés par la présence sublime, justement, du leader. Et le leader pense, lui, à tort ou à raison, elle ou lui d'ailleurs, avoir droit à l'estime des dominés. Autrement dit, le leader, il a aussi besoin de reconnaissance, au moins autant que les autres. Il y a toute une réflexion aux États-Unis sur ce qu'on appelle le relational leadership, où finalement on s'aperçoit que le leader est presque autant dépendant que les followers de ceux qu'il souhaite dominer en quelque sorte. Et Platon, je crois dans Le Politique, dit que le leader, c'est pas seulement un pasteur, mais c'est aussi un tisserand. Donc il y a aussi cette idée de réseau qui me paraît importante à prendre en compte. Et puis la quatrième peut-être idée, la plus originale à mon sens chez Pascal, et c'est ce que nous dit le texte qu'on vient d'entendre, c'est que le leadership, c'est aussi dans l'ordre, dans une certaine mesure, du secret et de la dissimulation. Il y a un principe de non-substantialité dans le leadership. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le définir, justement. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver le mot qui convient. Ce serait une sorte de présence absente. Ce serait une sorte d'hallucination collective. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de l'eunuque dans Game of Thrones, Lord Varys, qui dit quelque part « Le pouvoir réside là où les hommes pensent qu'il réside. C'est un leurre, une ombre et un mur, et un tout petit homme peut projeter une ombre immense. » Et Lord Varys, c'est un personnage fascinant, puisque il est manipulateur en diable, puisqu'il est le conseiller des princes, mais c'est quelqu'un qui est le seul dans la série à ne pas perdre de vue deux choses importantes, c'est la paix du royaume et le bien commun, que toutes les familles ont bien entendu oublié. Donc, une définition du leadership, ça doit s'articuler un petit peu autour de tout ça. J'ai deux questions pour vous, Gisèle. Quelle différence entre manager et leader. Et d'autre part, si on n'arrive pas véritablement à définir le leader, ou du moins si on le définit par sa non-substantialité, est-ce que c'est la même chose pour ceux qui ne sont pas leaders ? Alors, c'est une question qui est posée à Socrate dans l'économique, justement. Est-ce que cette affaire-là est innée, ou est-ce que c'est une affaire d'instruction ? Et c'est sans être innée, c'est-à-dire que si finalement le leader n'est pas forcément en fait défini par un ensemble de caractères, c'est quelque chose qui n'est pas forcément en fait essentialisant, qui ne repose pas sur une substance en particulier. Ça veut dire que je peux être leader à un moment donné, et puis je peux être suiveur à un autre. Ça peut être des qualités qui sont inconstantes, on va dire. Et de là, on peut se dire que celui qui était suiveur va devenir leader. Est-ce que c'est ça la définition, peut-être une manière d'approcher les choses et du coup peut-être de repenser une relation qui ne soit pas hiérarchique, figée entre leader et followers ? Oui, absolument. C'est une approche un peu critique justement des leadership studies qui défendent un petit peu cette idée-là, hein, que le leadership ce serait finalement une force sociale qui transmute, qui bouge et qui passe d'une personne à une autre. Et quant à leader et manager, est-ce que pour vous c'est synonyme ? J'aime pas trop cette distinction qui remonte aux années 60. C'est un vieux papier, je crois, paru dans la Harvard Business Review des années 60 qui fait une espèce de différence entre le manager qui serait quelqu'un qui répond aux enjeux d'une tâche bien précise, alors que le leader est celui qui a une nouvelle conception de l'avenir et qui a un quin de nouvelles valeurs, etc. Je pense que cette distinction est assez glissante parce qu'en réalité, c'est difficile d'être un manager respecté sans avoir un minimum de contenu politique et éthique dans son discours, et vice-versa, un leader qui serait complètement désorganisé et en dehors de la structure, ça n'a pas beaucoup de sens. Je ne suis pas certain que... Je crois que là, de ce point de vue-là, la philosophie a beaucoup à apporter en termes de réinvention conceptuelle. Tous ces termes-là, en fait, c'est des termes qui nous viennent des États-Unis des années 50, 60, 70, et dont on a un peu de mal à sortir. Je pense que la philosophie, de ce point de vue-là, peut apporter quelque chose de différent. There's no coming back from this. No, I know exactly what we're about to do. Le peuple américain ne sait pas ce qui est bon pour lui. Moi, je le sais. Je sais exactement de quoi ils ont tous besoin. Ils sont comme des enfants, Claire. Les enfants que nous n'avons jamais eus. Nous devons tenir leurs petites mains poisseuses et essuyer leurs petites bouches dégoûtantes. Leur apprendre à différencier le bien du mal. Leur dire ce qu'ils doivent penser, ressentir et ce qu'ils doivent désirer. Ils ont même besoin d'aide pour décrire leurs rêves les plus fous et pour s'affranchir de leurs angoisses les plus intenses. Heureusement pour eux, ils m'ont moi. Et ils t'ont toi. Les Underwood. Les Underwood. Une nation. Underwood. France Culture. Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Je pense que ça a été assez lisible quand même cet extrait. C'est un extrait de House of Cards, la série, saison 5, épisode 4, réalisé par Alix Sakharov, qui date de 2017. Donc on entend la voix de Frank Underwood, donc qui veut incarner en fait ce chef infantilisant, presque paternaliste, qui a une vision à la place en fait de ses sujets. J'emploie le terme à dessein parce que les individus n'ont pas vraiment d'individualité sous sa présidence. Alors, plusieurs questions à partir de là. Gislain Deslandes, déjà, est-ce qu'un chef d'entreprise est la même chose qu'un chef politique ? Ça, c'est quand même une chose sur laquelle on est revenu plusieurs fois dans la semaine. Jusqu'où une entreprise peut se comparer à une organisation politique ? Et puis, est-ce qu'on peut, grâce aux définitions que vous avez données du leader-manager, entrevoir autrement en fait ce rapport entre des salariés et un chef, autrement qu'en termes alors de subordination peut-être pas, mais en tout cas de hiérarchie figée, c'est-à-dire dépasser la question d'un schéma de rapport sur type dialectique maître-esclave ou l'intérêt bien entendu ou lutte des classes. Est-ce que justement le management nous propose autre chose en termes de rapport humain et politique ? Bon, en tout cas, Frank Underwood ne propose pas autre chose que ça. Voilà. C'est un personnage qui est fascinant pour un certain nombre de raisons, mais c'est à la fois un président qui n'est pas mauvais hein, c'est dans ses fonctions. C'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir, c'est quelqu'un qui sait avoir de l'autorité sur ses équipes, c'est quelqu'un qui est très résilient, qui défend les intérêts de l'Amérique, qui a une expérience politique, etc. Alors on va dire, est-ce que c'est un bon leader ? On est parfois tenté de répondre oui dans la série. Alors est-ce que c'est un leader bon ? Ben là, on sait que la réponse est non. C'est un personnage atroce qui n'hésite pas à éliminer ses opposants, qui assassine, je crois, dans la première ou dans la deuxième saison, la journaliste qui est sur le point de révéler son passé. Donc, c'est évidemment pas un leader bon. C'est quelqu'un qui... Et d'ailleurs, le titre de la série, en anglais, c'est « Bad for a greater good ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut comme président ? Est-ce qu'on veut quelqu'un de pas très respectable, mais qui soit à la hauteur de la fonction sur le plan technique, ou est-ce qu'on veut plutôt vous avez dit un brave type ou un pauvre type tout à l'heure, mais... c'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit. quelqu'un de sympathique, avec lequel on se sent en affinité, mais qui manifestement n'est pas à la hauteur de la fonction. C'est cette question-là que nous pose cette série, sur fond d'hubris. C'est-à-dire que là, les Grecs avaient vu juste. C'est-à-dire que Frank Underwood ne maîtrise pas sa propre ambition. À un moment donné, on espère, quand on est spectateur, qu'il va s'amender un petit peu. Il rentre dans une église et on sent qu'il a quand même un petit peu mal à l'âme et que les choses de personnellement lui pèsent un petit peu. Et tout d'un coup, il se retourne vers la caméra. Il fait « I pray myself to myself ». C'est-à-dire je me prie moi-même à moi-même. Donc en fait, on n'en sort pas. Mais finalement, si je vous suis bien, Ghislain Deslandes, l'idée, ça n'est pas de se poser la question de jusqu'où on peut comparer chef politique et chef d'entreprise. L'idée, c'est plutôt de se demander qu'est-ce qu'un bon chef et est-ce qu'un chef est forcément tout le temps un chef et nous met toujours dans un rapport de domination qui soit figé, qui soit de force, qui soit inchangeable, ou est-ce qu'au contraire, l'idée d'un chef tel que pourrait le penser le management n'est pas un chef qui, justement, nous domine, nous oppresse en permanence. Oui. En fait, c'est ça la question que se pose Pascal dans le trois discours sur la condition des grands. Quel chef devez-vous être en conservant, en ayant de l'autorité sans autoritarisme? Et comment ça fonctionne? Et le troisième discours, en fait, se termine de manière très pratique. On dirait presque un manuel de leadership. Il termine en disant: contentez leur juste désir, soulagez leurs nécessités, mettez votre plaisir à être bienfaisant et avancez-les autant que vous le pourrez. Ça veut dire contentez leur juste désir, c'est-à-dire essayez de vous mettre d'accord sur les objectifs que vous vous donnez, et si les objectifs sont atteints, récompensez les gens avec lesquels vous travaillez. De soulager leurs nécessités, c'est la question du soin, c'est-à-dire le management comme soin. Gilligan, Stigler et un certain nombre d'autres ont travaillé sur la question du care, et je crois que là il y a un angle qui me paraît intéressant à développer. Mettez votre plaisir à être bienfaisant. Alors, c'est un peu cynique, c'est-à-dire que Pascal dit ici que, le leader, c'est celui qui est au fait de l'organisation, donc il y a quand même le plaisir du pouvoir, d'une certaine manière. Et ce que dit Pascal, c'est qu'il faut utiliser ce divertissement qu'est le pouvoir dans un sens de bienfaisance et de bienveillance. Et puis à la fin, il dit avancez-les autant que vous le pourrez. Alors, je sais pas comment on peut décrire ça, mais avancez-les les autant que vous pourrez. Oui, ça veut dire non, reconnaissez-les pour ce qu'ils sont. Et on pourrait dire, vous avez terminé l'une de vos émissions avec la chanson des Charlots, Merci patron. Ce serait le merci du patron, justement. Mais est-ce qu'on peut se passer de hiérarchie, en fait, dans une structure entrepreneuriale ? Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut penser, on l'a dit hein, plusieurs fois cette semaine, que le contrat de travail était un contrat de fait, de suggestion, de subordination ? Est-ce que néanmoins, on peut se passer de cette idée d'une hiérarchie ? Ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet de redéfinir l'idée du chef, ça nous permet de redéfinir aussi l'idée des salariés. Mais à la fois, il faut quand même éviter d'être naïf sur le fait que y a quand même des conditions objectives, matérielles, d'existence qui permettent pas quand même un jour d'être employé et puis le lendemain patron et puis patron et employé et que tout ça se passe dans le meilleur des mondes. Oui, il y a un ouvrage qui s'appelle Hiérarchie d'ailleurs qui a été que j'ai commenté sur les antennes de Xerficanal il n'y a pas très longtemps, qui prétend qu'il est quand même très difficile de s'épargner cette problématisation hiérarchique. Je citais tout à l'heure Thierry Ménessier qui laisse quand même entrevoir l'idée que le leader est nécessaire à la transformation de l'organisation. Vous avez des opposants à cette idée-là. Le concept d'entreprise libérée que vous avez dû, je crois, citer une fois ou deux, c'est quand même l'idée d'être libéré du chef. C'est cette idée qu'il n'y a plus de chef ou qu'on est tous chefs en réalité. Oui, mais si on a bien écouté Daniel Linard, et je suis sûre que vous l'avez fait, Ghislain Deslandes, donc qui était notre invité de mardi avec laquelle on a parlé d'entreprise libérée. Mmh. L'entreprise libérée, finalement, c'est aussi de travailler... quand on veut, mais en fait finalement ne plus avoir véritablement d'horaire et qu'il n'y ait plus vraiment de bureau pour à la charge en fait de l'employeur, que finalement en fait il y a une sorte de différence entre travail prescrit et travail réel, ce qui permet quand même en fait à l'employeur de bénéficier d'un travail que l'employé va avoir organisé tout seul en ayant lui-même, en prenant à charge un certain nombre de responsabilités. Je suis d'accord avec Daniel Linard sur ce point. Et alors, pour finir, parce qu'on en est, on va bientôt arriver au terme de cette émission, vous avez cité Bernard Stiegler tout à l'heure, on a une archive de Lyon, on n'a pas le temps de la diffuser, hélas, mais vous avez utilisé ce terme de pharmacone. Donc le management est un pharmacone, à la fois un poison et un remède. On l'a entendu toute cette semaine, toutes les critiques qu'on adresse au management, c'est aussi un remède. Vous, Ghislain Deslandes, quelle est votre philosophie du management? Ça va pas être facile dans le temps qui nous reste, mais je suis tout à fait ouvert à l'idée d'essayer de répondre à cette question-là. Moi, je appartiens à une institution qui s'appelle ESCP, dans laquelle agi et compté quelqu'un qui s'appelle Adolphe Blanqui, qui est le frère d'ailleurs d'Auguste Blanqui. L'histoire est absolument passionnante. Elle est racontée notamment par Hugo dans ses Choses vues en 1842, quand il dit Blanqui est né, mon frère est un fou, et Blanqui jeune, mon frère est un traître. En réalité, Adolphe Blanqui donne une définition de ce qu'est le management qui est tout à fait originale, et dans lequel il dit en fait c'est grand un, faire du tort à la laideur. À la laideur des usines, à la poussière des bureaux, etc. Deux, c'est, pour reprendre l'expression de Barbara Cassin, un savoir-faire avec les différences, notamment les différences culturelles, les différences linguistiques. Le management n'a pas le privilège de l'extraterritorialité. Le management est toujours enchâssé dans un projet de civilisation. Et puis, troisième chose, c'était d'ailleurs le slogan de l'école au 19e siècle, c'était « commerce oblige ». C'est-à-dire qu'on demande aussi aux managers de se comporter correctement, d'avoir une certaine éthique comportementale, une éthique managériale, tout en observant les évolutions technologique. Donc on pourrait partir éventuellement de ces quelques idées-là. Moi je suis assez sensible à ce que les Grecs ont à nous raconter sur le management en réalité. Ils nous parlent de subtilité, de délicatesse. L'idée de main, elle est là. L'idée de faire preuve de finesse, d'appréciation, de mesure dans les relations humaines. D'essayer par-delà le chiffre et la gouvernance par les nombres, pour prendre l'expression de Suppio, qui a toujours en amont quelque chose que les Grecs appelaient le métron, c'est-à-dire au fond l'élément qui nous permet de renouer avec la bonne proportion, avec la juste mesure, avec la mesure la plus humainement adaptée. C'est-à-dire que on a tendance parfois à considérer que les chiffres ne mentent pas, que ce sont des entités ontologiques premières. En réalité, avant d'avancer des chiffres, il y a toujours une mesure qui précède et qui nous revient, que les Grecs appelaient le métron. Et il y a une phrase d'Olivier de Serres, qui est le premier agronome, qui a écrit notamment un tout premier traité d'agronomie, et qui s'appelait précisément « Théâtre d'agriculture et ménage des champs ». C'est assez amusant. Et dans lequel il dit « Le fruit du bon ménage que nous voulons, contentement avec modéré profit et honnête plaisir ». Donc là, je crois qu'il y a aussi un certain nombre de leçons à retenir. Et puis peut-être le troisième élément que je citerai comme ça un peu rapidement, il y a cette idée que ce qu'on attend des entrepreneurs, des cadres d'entreprise aujourd'hui, c'est peut-être moins de mots vides et un peu plus de gestes. Et j'ai essayé d'avancer avec l'un de mes collègues, Jean-Philippe Bouilloux, l'idée de beaux gestes. Essayer de faire de beaux gestes, de gestes nobles dans l'organisation. Alors on est parti d'un certain nombre d'exemples, notamment lorsque Louis Gallois refuse de prendre son bonus à la tête d'Airbus, ou lorsque les époux Faller, au moment de mourir et sans prévenir personne, décident de redistribuer leur capital en partie. C'était les créateurs de la marque de lingerie féminine Lou, redonnent à leur couturière une part de leur héritage, par surprise. Merci beaucoup Ghislain Deslandes. On va se quitter sur cette définition, sur votre définition de la philosophie du management. Je suis ravie d'avoir fini cette semaine avec vous par le début, donc, et je rappelle que de vous on peut lire court traité, donc ça je ne l'avais pas dit, court traité sur la recherche d'une première vérité. C'est paru aux éditions Ovadia, sur le management, à propos du management et d'un problème plus général aux éditions PUF, critique de la condition managériale aux éditions PUF, essai sur les données philosophiques du management aux éditions PUF, et enfin, je cite, Anti-Philosophy of Christianity, et c'est paru aux éditions Springer. Merci beaucoup. Merci à vous. Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant synco, à moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco, à moi les alizés, les vents. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure, Breitling, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts, on dégringole les banques, on peut rigoler, la boîte à coller, mes pouces, on va se la écoutez France Culture et vous écoutez Alain Souchon, évidemment, Parachute Doré, j'adore cette chanson. Il est 10h55 passé, apparemment Anthony Thomasson à la technique aussi adore cette chanson. Et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Et si la culture sauvait la nature? C'est une question, au fond, qui peut paraître paradoxale, mais aussi tout à fait naturelle. Ne faut-il pas un surcroît de culture pour s'apercevoir même de la présence de la nature et de la nécessité de la préserver? Le premier rapport des humains à la nature n'est pas si simple. C'est un rapport aussi de prédation, de destruction. Et il faut finalement un peu de réflexion sur les humains, leur rapport au monde, pour s'apercevoir qu'il y a là une nature à préserver. Si un peu de culture, au sens de l'habitat, de la manière humaine de vivre et de ne pas être un pur élément du monde, d'ailleurs peut-être est-ce là une représentation fictive et artificielle, s'il y a un peu de culture donc nous éloigne de la nature, beaucoup nous y ramènerait peut-être. Mais il faut pourtant traverser l'épaisseur, je dirais, des cultures humaines. Nous ne vivons pas dans la nature, nous vivons plutôt dans la culture, dans une culture qui se représente aussi la nature, la culture, pour les anthropologues, par exemple, pour Claude Lévi-Strauss, c'est en effet un système de signes qui fait sens et à travers lequel nous percevons même ce qui nous paraît sauvage et indépendant de nous. Les plantes, le monde, ce sont aussi des signes dans nos langages, des représentations dans nos tableaux. Et finalement, ces images sur lesquelles Philippe Descola, après son grand livre « Par de la nature et culture », réfléchit aujourd'hui pour comprendre comment elles sont liées aux cultures. La nature est d'abord une image dans les cultures humaines et peut-être pas simplement dans la culture comme technique, par exemple, qui serait l'humanité s'opposant à la nature. Il y a la pluralité des cultures qui représente chaque fois différemment le monde, le corps, la mort, la vie, la souffrance et tous les êtres qui peuplent la terre. Mais alors, est-ce que malgré tout, il reste quelque chose comme la nature et la culture? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, malgré tout, d'universel qui nous relie? C'est la question autour de laquelle nous ne cessons de tourner. Et peut-être que, finalement, la possibilité même de la nature est liée à un dialogue entre les cultures, à quelque chose qui cherche laborieusement, non pas un universel humain donné de par principe dans une nature indépendante de l'histoire, indépendante du dialogue, indépendante des conflits aussi entre les cultures, mais au contraire, une culture qui fait l'apprentissage douloureux des frottements entre les humains, qui entre les cultures cherche quelque chose de commun, ce quelque chose de commun par lequel les humains finalement rejoignent peut-être aussi l'appartenance commune à un monde dit naturel. C'est peut-être la culture au sens de l'universel universel, ce petit singulier fragile qui ne désigne pas une essence, mais quelque chose de recherché, quelque chose de commun, comme sur certaines institutions qui la défendent aussi, y compris d'enseignement ou de culture, comme on dit, y compris peut-être ici même. Ce sont ces horizons d'une culture, de la culture comme horizon commun, qui nous ramènent à l'horizon du monde. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Carla Michel qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Manon de la Selle, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Anthony Thomasson et Bernard Gabet à la lecture des textes toute cette semaine. Pour écouter ou réécouter cette émission sur la définition du management depuis Socrate et d'ailleurs toute notre série sur le management, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et je vous donne rendez-vous lundi pour découvrir ou redécouvrir notre série sur l'oubli, Nietzsche, Toute action exige l'oubli, Paul Ricoeur, Oublier se pardonner, ou encore Alain René et la fabrication cinématographique de l'oubli. À lundi et bon week-end sur France Culture.